La délégation du Fonds international pour la paix, conduite par le prince Alfred de la Principauté de Liechtenstein, président du conseil consultatif, a visité le palais des sciences et techniques, le monument aux cités du Jutsu, l'hôpital pour enfants Onyu, le musée du lieu sacré du Taekwondo, etc.